jours, combien de nuits, je sens nouvelle de lui. J'en souffre trop, c'est décidé, je vais l'appeler. Je vais brûler des nuits entières et m'épuiser en prière. Je n'attends qu'une chose d'elle, qu'elle m'appelle. Pour un mot de trop, un malentendu, voilà des jours qu'on ne se voit plus. On se rejette l'un et l'autre, les mêmes fautes. Et on pourrait, si on voulait, s'appeler, même faire la paix. Mais quand on a ce caractère, que faire? On se torture, on se déchire, alors qu'on pourrait tout se dire. Et qu'importe qui a raison ou qui a tort. Et moi je vais encore une fois faire le premier pas pour ne plus jamais nous voir souffrir. Gay, like a chabénou, like a chabénou. Et galère.